Hey, vous l'avez peut-être pas entendu encore, mais Morgan Tyler, là, c'est un saint. Là. Ah c'est non, partout, mais... partout. L'avortement, là, tu sais, honnêtement, premièrement, là, touche pas, moi, je suis pour, là, la liberté de la femme, etc. Mais, des fois, j'aimerais ça poser des questions, mais je peux pas. Là, c'est la même chose. C'est impossible. C'est ça. C'est le point de Richard dans sa chronique, dans le top 3. Tu sais, mettons que ta phrase commence par l'avortement, là, est-ce que... Hey, toi, hey! La loi! Maudit conservateur! C'est sexiste, fini, mais c'est... Ben, c'est unanime. De tout cul! Dans les médias, c'est unanime. Il a sûrement fait du bon. Je remets pas ça en cause, là. Il a mené le combat, là. Regarde, dans les années 60. Oui, il a mené le combat. Il faisait ça en cachette, là, avec des bouts de métal, puis on comprend. Je veux l'égalité des femmes. J'ai aucun doute, car s'il y en a un, tu sais, regarde, c'est clair, là. Liberté de choix, puis c'est votre corps, on comprend tout ça. J'ai pas de problème avec ça. Mais c'est unanime, là, ce matin. Merci. Merci, docteur. Merci, monsieur Morgan Tyler. C'est unanime. Moi, je lève ma main, j'aimerais juste ça, jaser d'une couple d'affaires. Y a-tu moyen? Il y a des choses qui m'intéressent. Comme par exemple, les avortements tardifs. C'est-à-dire des avortements qui sont pratiqués à 21, 22, 23, voire 24, 25 semaines. Ça, c'est du 8-9 mois, là. Le bébé bouge. Parce que c'est un bébé en dedans, là. T'sais, c'est pas un embryon. Il y a plus là. Que bouger d'homme. À 8-9 mois, il y a des orteils, il y a des yeux, puis il ouvre la bouche, puis il parle quasiment, là. Il parle pas, mais il fait des bruits, puis il est dans le ventre, il est complet, là. C'est un être existant. Je suis pas un scientifique. Je suis pas là pour dire si... Moi, je pense que c'est un être humain. Là, vous allez m'écrire, les gauchistes et les féministes et tout ça. Non, il est pas sorti du ventre, c'est pas un être humain. Hey, la ligne est mince en tabarouette. J'embarque pas là. Pour moi, c'est un être humain à ce stade-là. Donc, un bébé prématuré fait, qui naît, ouais, là. Mon point, là. Mais à Montréal, il y a des avortements tardifs. Il y en a. Dans des CLSC financés avec vos taxes. Ça vous intéresse-tu de le savoir? On peut-tu en parler? J'aimerais ça en jaser. Je lève ma main. Je peux-tu en parler? Allons, ferme ta gueule! Jean-François Chicoine, il y a une couple d'années, avait accordé une entrevue, c'est avec Normand Lester. On va donner le crédit. Normand Lester, en fait, qui était en mauvaise santé, là, il y a eu un accident, là. Mais moi, j'adore Normand Lester, là, puis je veux le saluer comme ça en passant, puis on pense à lui. Je crois qu'il avait remplacé Paul Oud, c'est dans le 98. Ouais, faites ça une couple de fois. Ouais. C'est pas mon habitude de prendre à tout vent des extraits de la compétition, là. Mais là, faut dans ce contexte bien précis-là, c'est une entrevue qui date de 6 ans. C'est pertinent dans le contexte actuel. C'est le docteur Jean-François Chicoine, que j'adore, qui est un médecin qui défend les enfants. Et Jean-François Chicoine a parlé dans ce segment-là d'émission qui dure 3 minutes. C'est vieux de 6 ans, c'est très pertinent. Tu sais, on pourrait appeler ça le segment « On peut-tu en parler? » C'est ça, on peut pas en parler, il y a un tabou. Lui amène le cas des bébés qui sont tués dans les CLSC. Moi, je les ai pas vus. Lui, c'est un médecin coté, ancien chroniqueur à Radio-Canada. On l'a déjà eu en entrevue ici. Très respecté. Il nous dit ça. Que ça existe. Moi, je savais pas que ça allait jusque-là. Là. Moi non plus. T'as fait le saut en écoutant l'extrait. Hein? Tu sais, tantôt, là, quelqu'un me dit, « Hey, 22 semaines, c'est pas 8-9 mois, c'est 36 semaines. » Je comprends, là, mais... On peut sauver des bébés. Dans l'entrevue, ce stade-là. C'est 8-9 mois, là. Exact. Mais à 22, 23 semaines... Techniquement, médicalement, on peut sauver ces enfants-là prématurés. Ben oui. Ils vont être dans un incubateur. Pis c'est ça. Là, ça devient un être humain. C'est ça, tantôt, tu sais, je voulais pas te couper, mais c'est où la ligne? Et où la ligne? Un prématuré, c'est pas un être humain jusqu'à temps qu'il soit plus dans l'incubateur, je comprends pas. Ouais, mais c'est ça. C'est ça qui est. Sort du vent de la mer. Dès qu'il sort du vent de la mer. Mais je peux pas. Faut qu'il soit un être humain, mais. On peut pas en parler. Faut qu'il soit tué dans l'utérus à ce moment-là. Si vous sortez l'enfant puis vous le tuez, comme le Dr. Freak de Philadelphie, là. Qui sectionnait carrément l'épine dorsale de l'enfant pour qu'il meure. Il y a des gens qui ont du sang sur les mains. Okay? Ben, je fais le mal à en parler. Il y a des gens qui ont du sang sur les mains. Je suis pas un freak hyper religieux, malade. Je veux juste qu'on en parle. Comme société, est-ce qu'on peut s'asseoir autour de la table? OK, on va aller chercher un café, on s'assoit et on jase. Juste ça. Je vous fais entendre, parce que je sais que le temps se bouscule. Oui, on... Là, on va faire un bloc avortement, là. Que vous le vouliez ou non, c'est pas mal ça, la nouvelle aujourd'hui, là. Morgan Tyler et son héritage. On va faire jouer l'extrait de Dr. Chicoine, qui est à faire frémir. On va faire une pause après. Et par la suite, je vais vous faire entendre l'entrevue que j'ai réalisée plus tôt ce matin avec Francine Léger, qui a travaillé une trentaine d'années, elle, avec Morgan Thaler. Je vais vous dire une affaire d'entrée de jeu, elle a moins quasiment au barricade, là, parce que je pose des questions. Je dis juste, j'aimerais ça en jaser. J'aimerais ça jaser, par exemple, des femmes qui ont 5-6 avortements. Ça y tente pas ben. J'aimerais ça jaser des avortements tardifs. Non, pas beaucoup. Mais j'ai quand même une belle jasette avec, on va écouter ça tantôt. Mais d'abord, le docteur Jean-François Chicoine, ça s'est tiré de l'émission, une émission qui avait été animée par Normand Lester. Mais l'avortement maintenant est possible jusqu'au 9e mois, monsieur, vous oui, le savez. Oui, il est possible jusqu'au 9e mois. Et d'ailleurs, oui. C'est pour ça que les femmes qui vont, vous savez qu'il y a un CLSC de Montréal, je me suis beaucoup opposé à ça, qui depuis 2 ans avorte les femmes avec des stades très avancés. Bah, voilà. Ne rencontre pas ces parents-là assez longtemps avec des psychiatres ou des équipes ou même des pédiatres pour essayer de voir qu'est-ce qui les a amenés à ce choix-là. Mais on avorte des enfants viables, il faut les tuer quand on les avorte au 9e mois. Oui, tout à fait. Il faut les tuer, les oui, enfants. Tout à fait. Et il y a des gens qui font ça dans un CLSC à Montréal. Oui, lequel? Ça, je suis absolument opposé à lequel ça. Lequel fait ça? Je pense que c'était le CLSC dans le centre-ville, dans le bas de la ville, là, je sais plus. Et il y a combien de meurtres d'enfants qui se font comme ça au centre-ville chaque année, d'après vos informations? Je pense que c'est une centaine. Une centaine de meurtres ouais, d'enfants au 9e mois là, qui sont tués au centre-ville de Montréal. Je pense que c'est une centaine. Une centaine. C'est quand même troublant, non? C'est troublant. Et en fait, je me suis même opposé à certains de mes confrères qui pratiquaient ça lors d'une réunion médicale l'autre jour. Et ça leur fait pas de problème au niveau moral de tuer littéralement un enfant viable? Ce qui était surtout le problème pour moi, c'est que ces mères-là n'étaient pas rencontrées dans l'espoir d'orchestrer l'abandon de cet enfant-là. Vous savez, il y a une maladie qui est difficile à comprendre, c'est qu'il y a des mères qui sont enceintes, qui ne réalisent pas qu'elles le sont, ou qui sont incapables de concevoir psychiquement qu'elles sont enceintes, et donc d'avoir un enfant. Et surtout qu'il y a des milliers de couples qui sont prêts, oui, ils vont jusqu'en Chine pour adopter des enfants. Exactement. Et on tue au centre-ville de Montréal. Ce déni de grossesse-là, il est très important à respecter. Et d'ailleurs, quand il n'est pas respecté, ça mène à des infanticides qui sont, et là je vais peut-être vous choquer, tout à fait compréhensibles. Il y a des femmes qui sont incapables de comprendre qu'un bébé va sortir d'eux et qui réalisent leur grossesse à 8 ou 9 mois. Mais ces femmes-là devraient être rencontrées par des équipes de pédiatres et de travailleurs sociaux pour leur expliquer à quel point il y a des démarches intelligentes et brillantes à prévoir pour abandonner un enfant. Lui laisser une lettre ou oui, essayer de lui expliquer. Et ça, c'est quelque chose qui doit être développé au lieu donc d'aller vers l'avortement. Je pense que pendant un certain temps, le gouvernement du Québec payait même les Américains pour le gouvernement du Québec. Parce que ça prend une spécialité très, très particulière en obstétrique gynéco pour pouvoir donc évacuer un fœtus qui y a combien, il y a combien de médecins au Québec qui tuent des enfants dans ces conditions-là? Ah, très peu. C'est très difficile à faire. Oui. Je pense que c'est certain, ça va se compter sur le bout d'une main.